チ。 Avare, c'est connu, ont tous un grand nez crochu. Les bords et mâles sont pourvus d'un torse velu. La peau bien bronzée des stars fonce à la vue du caviar. Les jolis poivrons rougissent à celle du pastis. Comme tout s'éclaircit, c'est la morphologie psychologie. Les bavards et les commères ont la langue toute travers. Les rusés, les petits malins, on pousse le nez fin. La pupille dilatée trahit la cupidité. Le prépuce remonté à la timidité. Comme tout s'éclaircit, c'est l'amorphopsychologie. Y'a les yeux des vrais gangsters, cernés de Porsche revolver. Les orteils des obsédés toujours écartés. Dis juste, les bons chrétiens qui ont le cœur sur la main. Les gens pétris d'ambition qui ont le bras long. Comme tout s'éclaircit, l'amorphopsychologie. Saillantes, brisées chez les gagnants. Le babillage chronique des hommes politiques. Le charisme qui émane du regard des hooligans. Le fessier avantage des gros paresseux. Comme tout s'éclaircit sur l'amorphopsychologie. La démarche souple et féline des pros du bodybuilding. La tête basse, le dos voûté des gens résignés. Le rictus, le sang chaud, à la main de des fachos. Les réactions animales du Front National. Comme tout s'éclaircit sur la morphopsychologie. Wow, wow, wow.